tout regarder sans rien dire. Bouger, vivre et partir sans l'ombre d'un sourire. Tu n'as pas épargné le cœur de mon cœur. À tout regarder sans rien dire, bouger, vivre et partir sans l'ombre d'un sourire. Je me demande si cela vaut encore la peine. Que le silence ne t'est pas la marche rapide du temps à te notre rencontre. Tu m'as donné tant de gages d'amour, les plus secrets, les plus doux. Cascade d'amour à l'unisson, voyage au cœur de ton image. Pour toi je vivrai dans cette prison d'amour des jours entiers. Cascade d'amour à l'unisson, voyage au cœur de ton image. Pour toi j'attendrai encore que vienne